Au sujet du spectacle Orpheus, à noter une rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation qui aura lieu le 17 mars. Voilà qui est dit. Samuel Achache et Jeanne Candel, accueillis en 2015 avec le spectacle Crocodile Trompeur, Didon et Aîné. Eh bien, on vient d'en parler avec Florent Hubert, qui était l'un de nos invités. Poursuivons concernant d'ailleurs ce spectacle. Elsa Jourdain va nous dire quelques mots au sujet d'un stage week-end. Théâtre et musique qui sera animé par Marion Sicre, interprète sur ce même spectacle. Elsa ? Oui, effectivement, sur le temps d'un week-end, vendredi soir, samedi, dimanche, on propose à un groupe d'amateurs de s'inscrire pour découvrir la façon dont travaille la compagnie avec Marion Sicre en musique et en théâtre, évidemment, et de créer, en fait, sur ce temps court mais resserré, leur mini Orfeo. C'est le deuxième stage de la saison, je crois, c'est ça ? Oui, tout à fait. On avait déjà mené un premier stage au mois de janvier avec deux comédiens du spectacle Angelus Novus. Et donc, pendant 3 jours, ils avaient expérimenté la façon de travailler de la compagnie. Et donc là, on est sur un stage plutôt musique et théâtre, un peu différent, mais tout aussi intéressant.